Examen 4. Compréhension de l'oral. Exercice 4. Situation 1. Bonjour madame, je peux vous demander les papiers du véhicule, s'il vous plaît ?